côté pop. Thank you. tristesse du passé, la peur du néant. Je ne veux plus gâcher le moment présent. Il y a des gens qu'on connaît peu et d'autres que l'on croit connaître. guitariste.